Le site d'internet de l'Association d'études de la politique de Sun Gun de Grande-Bretagne a fait paraître les œuvres classiques du maréchal Kim Jong-un, menant à un brillant achèvement l'œuvre révolutionnaire Chuché, en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti, et soyez les piliers d'une Corée puissante et prospère.